الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس الذي فيه سنتدارس ونقرأ في كتاب أحد أئمة الإسلام الأعلام أحد العلماء وهو العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وهو تلميذ العلامة المجدد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى grâce d'Allah سبحانه وتعالى et sa bienfaisance envers nous allons dans cette assise inshallah تعالى commencer la lecture d'un livre des plus magnifiques et des plus profitables, le livre du grand savant Muhammad ibn Abi Bakr, plus connu sous l'appellation d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Cet illustre savant, qui est l'élève du grand savant et revivificateur de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Il se prénomme Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd. Il est originaire de Damas, rahimahullahu ta'ala. Et il est connu sous l'appellation d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, car son père était le responsable de cette école qui a pour nom Al-Jawziyya, qui se trouvait à Damas. Il est né le 7 du mois de Safar de l'an 691 après Al-Hijra. Il est né la 7e nuit, ou bien le 7 du mois de Safar de l'an 691 après Al-Hijra, qui correspond approximativement à l'an 1291. Il a grandi dans une famille pieuse et son père était une personne de science. Il fait partie d'une famille qui était connue pour sa piété et sa bienfaisance envers les gens dans le besoin. Et ce savant, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, a de nombreux ouvrages très profitables. Et parmi ses livres les plus célèbres, il y a ce livre qui se trouve entre nos mains, qui est appelé Ad-Da'u wa-Dawa. Ad-Da'u wa-Dawa, ce qui signifie la maladie. Ad-Da'u, c'est la maladie. Wa-Dawa est le remède. Et le remède, le médicament. Voici le titre du livre, et lorsqu'on commencera sa lecture, on comprendra pourquoi est-ce qu'il a été appelé ainsi. Nous avons donc dépassé la moitié du mois de Sha'ban de l'an 1439, ce qui correspond au vendredi 4 mai de l'année 2018. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aide et assistance afin de pouvoir lire ce livre, en tirer profit, tout comme ce fut le cas de ceux qui nous ont précédés. Sans plus tarder, aussi, je vous informe que ce livre est traduit en langue française et il porte le nom de « Péché et guérison ». Péché et guérison. L'auteur commence « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in » ما تقول سادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توكدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى. L'auteur commence par citer une question qui lui a été adressée. Donc ce livre tout entier a pour base la question d'un questionnaire. La plainte et la demande d'une personne qui a été éprouvée par un péché. Il tente de s'en défaire, il tente de le délaisser, mais à chaque fois, il y retourne. Il le déteste, il veut s'en séparer, mais son âme incitatrice au mal le pousse à replonger dans ce péché. Et il sait avec certitude que s'il reste dans ce péché, ne s'en défait pas, ne s'en repent pas pour fuir vers Allah, ce péché va marquer sa perte et sa destruction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient au savant. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Il est donc revenu à Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et lui a posé cette question. Il dit, rahimahullah ta'ala, que disent les maîtres, les savants, les guides de la religion, les imams, qu'Allah les agrée tous d'un homme souffrant d'un péché dont il sait que s'il persiste à le commettre, il ruinera sa vie d'ici-bas et de l'au-delà. Cet homme cherche pourtant par tous les moyens à se débarrasser de ce mal, mais le désir ardent de le commettre, c'est-à-dire ce péché, ne cesse d'augmenter. Quelle est donc la solution pour s'en débarrasser et par quels moyens y parvenir? Qu'Allah fasse miséricorde à quiconque apporte son aide à une personne éprouvée. En effet, Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Renseignez-nous qu'Allah vous récompense. Donc la base de cet ouvrage est cette question. La base de cet ouvrage est cette question. Il est éprouvé par un péché qui est grave et qui a des conséquences très graves sur son cœur, sa religiosité et sa personne. Et si on regarde bien la question, et qu'on est sincère avec nous-mêmes, et si on regarde la société dans laquelle nous sommes, on se rendra à l'évidence que cette question, non seulement elle concerne ce questionnaire, mais en réalité, elle concerne beaucoup de personnes à notre époque. Plus particulièrement à notre époque. Cette époque dans laquelle les moyens de communication se sont développés. Cette époque dans laquelle les moyens de communication se sont développés. Cette époque dans laquelle où les jeunes, depuis leur plus jeune âge, ont accès à Internet dans leur chambre et ont accès à des fenêtres qui en emmènent vers d'autres, qui sont tous pires les unes que les autres de par ce qu'elles renferment comme péché, comme passion et comme chose qu'Allah Azza wa Jal déteste et a interdit. Donc celui qui lit ce livre en réalité trouvera réponse à bon nombre de préoccupations et de causes de destruction, à savoir et les péchés et ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, particulièrement tout ce qui concerne les photos interdites, que ce soit les femmes nues, que ce soit les films pornographiques ou que ce soit les communications avec des personnes étrangères. C'est une calamité à cette époque et bon nombre de personnes en ont été éprouvées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leurs parties intimes. Ceci est plus pur pour eux. Puis Allah Azza wa Jalla ordonne aux femmes la même chose: wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahum. Donc c'est un ordre d'Allah Azza wa Jalla afin de préserver nos cœurs et nos âmes et notre religion. Donc cette question que l'auteur adresse à ce grand savant nous sera pour tous inshallah ta'ala profitable. Et lorsqu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a répondu à cette question, il ne s'est pas contenté de répondre à son problème, mais en réalité il a traité un problème de société avec largesse. Naam, avec largesse, au point où sa réponse sera profitable pour énormément de personnes à son époque. Jusqu'à notre époque, on ne cesse de tirer profit de cet ouvrage. Farahmatullah ala al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa rafa'allahu azza wa jal qadrahu fil 'illiyyin. Donc toute personne qui est éprouvée par une chose, qui a du mal à s'en délier, à revenir vers Allah Azza wa Jal, définitivement trouvera sa réponse ici, Inch'Allah Ta'ala. Et on verra qu'en réalité, tout cela est tiré du Coran et est tiré de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, la maladie de cette personne, le péché par lequel il a été éprouvé lui, c'est l'ishq al-muharram. C'est l'amour passionnel dans le haram. L'amour passionnel dans le haram. Mais on verra que la réponse d'Ibn Qayyim, de par sa générosité et sa vaste science, a traité bien plus que cela. Rahimahullah ta'ala. Il a traité le remède aux maladies. Aux maladies du cœur, à savoir maradou shubuhat wa maradou shahawat. Les maladies du cœur qui se divisent en deux. Les maladies du cœur qui sont les ambiguïtés, ce qui a attrait la croyance et la certitude, et les maladies des passions, le penchant vers les péchés et les choses interdites. Et ô combien ces maladies ont égaré les gens de leur droiture, de la droiture qu'ils ont parfois connue après l'avoir abandonnée suite au suivi des passions, suite à la vision d'une chose interdite, suite à une assise dans laquelle il y a eu des choses interdites. « Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Cela les a éloignés du rappel d'Allah, puis de la mosquée, puis de la prière elle-même. Puis ils se sont noyés dans les profondeurs des passions. Qu'Allah nous en préserve. L'auteur nous dit, ou plutôt on nous dit, فَأَجَابَ الشَّيْخ الْعَالِمُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ شَمْسُ الدِّينِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابن أبي بكر رحمه الله تعالى. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a donc répondu à cette question par un écrit, na'am, qui tient et consiste ce livre, en disant: Alhamdulillah, amma ba'd, faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala: ma anzala Allah da'an illa anzala lahu shifaa. L'auteur rahimahullah ta'ala a commencé sa réponse par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit, a certes été affirmé dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari selon Abu Hurayrah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre avec son remède. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre avec son remède. Wa fi sahih Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li kulli da'in dawa fa idha asaba dawa'u da'i fa idha asaba dawa'u fa idha asaba dawa'u da'u bara'a bi idhnillah. وفي مسند أحمد وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله ما هو قال الهرم قال الترمذي هذا حديث صحيح. جابر بن عبد الله rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute maladie a son remède. Quand ce dernier est appliqué au mal, le malade guérit par la permission d'Allah. Usama ibn Sharif rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas de maladie qu'Allah a fait descendre sans avoir fait descendre son remède. Certains le connaissent, d'autres l'ignorent. Sous une autre formulation, il est dit, il n'est pas de maladie qu'Allah ait prédestinée sans en avoir prescrit le remède, exception faite d'une seule maladie. Les compagnons demandèrent, quelle est-elle au messager d'Allah? Il répondit, la vieillesse. Remarquez que l'auteur, rahimahullah ta'ala, commença sa réponse par une série de hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et dans le Musnad d'Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala et autres. Il a commencé magnifiquement. Cette personne qui vient questionner Ibn al-Qayyim, on peut imaginer son état. Et on peut imaginer son désarroi, son chagrin, sa fatigue. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, en commençant sa réponse par la citation de ces ahadiths, il montre au questionneur que son problème a une issue. Son problème, aussi grave soit-il, il a une issue chez Allah Azza wa Jalla. Son problème a un remède. Il ne doit donc pas désespérer du secours d'Allah et de sa miséricorde. Fahada rahimanillah wa iyyakum min husni al-bad'i fi jawab Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. En répondant ainsi, que la personne soit malade du corps, de l'âme, du cœur, dans les péchés ou autres, il développe son espoir en Allah. Il développe sa bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il va remplacer le désarroi, le désespoir, par quoi ? Par l'espoir en Allah et la détermination à se sauver de ce qui cause, comme il l'a très certainement su, sa destruction. Et par moments, certaines personnes éprouvées, lorsque tu leur parles, la première chose qu'elles te répondent, tu n'as pas été touché par mon malheur. Je me connais, je ne changerai pas. Je me connais, je ne sortirai pas de ce problème. Et ceci est une parole qui est fausse pour celui qui connaît l'islam. Ceci est une parole qui est fausse pour celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala fait sortir le vivant du mort. Allah tabaraka wa ta'ala accorde guérison, entend celui qui l'invoque et ne ferme jamais sa porte. Mais le problème vient de nous. Comment est-ce qu'on va utiliser les remèdes que nous avons entre nos mains? Comment est-ce que nous allons utiliser la guérison par le Coran, par la Sunna, par la connaissance et l'apprentissage de notre religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre une maladie, un mal, sans qu'il n'y ait avec son remède. Sans qu'il n'y ait avec son remède. Et ne pensez pas que le remède duquel il s'agit dans ces ahadiths n'est que le remède des maladies du corps. En réalité, c'est un remède pour toute maladie. Que ce soit de l'âme, que ce soit les péchés, que ce soit les passions, que ce soit les ambiguïtés. Na'am. Que ce soit la maladie du corps, la maladie du cœur, que ce soit des maladies graves, que ce soit un cancer, que ce soit un rhume, petit ou grand, sur un homme, sur une femme, sur un enfant, un nouveau-né, une personne âgée, c'est général pour toute chose, dans tous les domaines, pour toute personne. Pour toute personne. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim dit ensuite, أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها ابن القيم رحمه الله تعالى دي سي تكست concerne les maladies du cœur, de l'âme, et même les maladies physiques et leurs remèdes. C'est-à-dire que c'est général. C'est général. Donc, l'islam nous oriente vers le remède absolu, le remède général pour toute chose. Et le retour vers Allah Azza wa Jal est la réponse de base à tout problème. C'est pour cela qu'un soir le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé et a dit Subhanallah ou bien Allahu Akbar, ماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. Un soir le prophète alayhi wa sallam ou bien nuit s'est réveillé en sursaut et a dit Allahu Akbar ou bien Subhanallah, qu'est-ce qui a été descendu comme trouble, qui va réveiller celles qui dorment dans leur demeure afin qu'elles accomplissent la prière. Donc la maladie, la fitna, le remède, as-salat, al-ibad. À chaque fois qu'il y a une maladie, il y a son remède. À chaque fois qu'il y a un mal, il y a son remède. Et Qatada, rahimahullah ta'ala, a dit Inna hadha al-Qur'an fihi dhikru دائكم ودوائكم أما الداء فالذنوب وأما الدواء فالاستغفار. قتادة رحمه الله تعالى ندي dans ce Coran فيه ذكر دائكم, il y a la mention de votre maladie et il y a la mention du remède, de la guérison. Quant à la maladie, c'est les péchés. Quant au remède et la guérison, c'est la demande de pardon. C'est la demande de pardon. Donc voici la méthode empruntée dans les textes. Mentionner la maladie, mentionner le remède. Mentionner la maladie et mentionner le remède. Mais qui sera le médecin expérimenté qui pourra traiter ce patient? C'est le savant de la sunna. C'est le savant de la sunna. Et rappelez-vous, en regardant comment a commencé Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala son livre et sa réponse, en développant l'espoir de la personne en Allah et puis en la délivrance de son problème, devant son problème, rappelez-vous l'homme qui avait tué 100 personnes. Rappelez-vous l'homme qui avait tué 100 personnes. Lorsqu'il a regretté, a voulu se corriger, il est parti trouver un dévot, une personne pieuse qui fait beaucoup d'adoration. Et il lui a dit, قَتَلْ تُتِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ يَمِنْ تَوْبَ. Il lui a dit, j'ai assassiné 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Et il lui a dit, tu as tué 99 personnes? Non, tu ne peux pas te repentir. فَقَتَلَهُ وَكَمَّلَ بِهِ الْمِئَةِ. Il l'a assassiné à compléter le nombre de 100. Puis, il a regretté, il a cherché une personne. On l'a orienté vers un savant. Vers un savant. Et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Le savant lui a répondu quoi? وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ Qui est-ce qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Subhanallah. Cette réponse avant, cette parole avant même de lui répondre, elle fait quoi? Elle développe l'espoir. Elle lui montre qu'il y a une issue à son problème. Et c'est ainsi qu'a agi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. C'est ainsi qu'a agi ici Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Mais tu es sur une terre mauvaise. Délaisse cette terre et va dans tel endroit. Il y a des gens qui adorent Allah seul d'un culte sincère. Adore Allah avec eux. Na'am, il lui a cité une parole qui développe son espoir. Et il lui a cité le remède, al-hijra, le fait de délaisser l'endroit dans lequel il est. Na'am, et d'aller dans un endroit où il y aura le bien. Où on va lui commander le bien, lui proscrire le mal. Ensuite, l'auteur nous dit, فَرَوَى أَبُو دَاوُدْ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال وإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر على جرحه خرقة خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده حسنه الألباني بشواهده Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que l'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala rapporte un hadith selon Jabir ibn Abdillah qui nous dit que nous sommes sortis en voyage et un homme parmi nous a été touché par une pierre qui le blessa à la tête. Et cette nuit, il s'est réveillé en état de janaba, ihtalama. Il a fait un rêve qui fit sortir son liquide. Il avait donc l'obligation de faire le ghusl. Il a questionné ses compagnons. Pensez-vous que dans ce cas précis, j'ai la permission de faire at-tayammum? J'ai la permission de faire at-tayammum et non de me laver. Donc, c'est-à-dire suite à sa blessure. Ils lui ont dit, on ne trouve pas pour toi d'excuse. Alors que tu peux utiliser l'eau. Alors que tu peux utiliser l'eau. Il se lava donc avec l'eau. Et décéda des suites de cela. Il est mort suite à s'être lavé. Na'am, car il avait une blessure à la tête. Lorsque nous arrivâmes auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fut informé de cela, il a dit, ils l'ont tué. Ils l'ont tué qu'Allah les tue. Na'am, ils l'ont tué qu'Allah les tue. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas questionné vu qu'ils ne savaient pas? Pourquoi ils n'ont pas questionné vu qu'ils ne savaient pas? Et certes, le remède à cela était la question. Et il lui suffisait de faire ainsi en faisant tayammum. Il lui suffisait de faire ainsi, d'agir ainsi en faisant tayammum. Donc ils l'ont tué qu'Allah les fasse périr. Pourquoi ne se sont-ils pas renseignés vu qu'ils ignoraient la réponse à sa question? En effet, le remède de l'ignorance est le questionnement. Il aurait suffi à cet homme d'accomplir les ablutions sèches, de serrer un bandeau autour de sa blessure, de passer sa main dessus et de laver ensuite le reste de son corps. فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ وَأَنَّ شِفَاءَهُ السُّؤَالِ Dans ce hadith, le prophète a informé que l'ignorance était la maladie et que le remède était la question. Le remède était la question. Donc ici on voit un point très important, c'est que celui qui doit t'orienter et le médecin qui doit te traiter doit être une personne savante et de confiance. Une personne qui connaît le domaine, la maladie et son remède et qui est de confiance. À savoir les ulama de Ahl Sunnah. À savoir les ulama de Ahl Sunnah. Dans le cas contraire, leurs élèves et ceux qui prennent d'eux. Certaines personnes, lorsqu'on les questionne sur la maladie, n'ont pas connaissance, elles répondent sans science. Elles égarent donc autrui. Et le prophète alayhi wasallam a eu peur de ces gens-là. Et a dit, akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immatul mudillin. Ce que je crains le plus pour vous, je redoute le plus pour vous, ce sont les imams égareurs. Les imams égareurs. Donc c'est un point très dangereux que de répondre à une personne malade et de l'orienter avec ignorance. Ça peut causer la mort de la personne comme on le voit dans ce hadith. Celui qui ne sait pas, il se tait et il maintient le silence. L'auteur nous dit ensuite « Al-Qur'an shifa ». Donc la première chose qu'a fait l'auteur, il a cité que toute maladie a un remède. La deuxième chose, le Coran est un remède. وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ شِفَاء فَقَالَ تَعَالَى وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَقَالَ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن هنا لبيان الجنس لا لتبعيض فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قد أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع من إزالة الداء في إزالة الداء من القرآن. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قد أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هذا الرهط الذي نزلوا لعله يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فأكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننتظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أن رقيه ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما خرجه البخاري ومسلم. لوتر رحمه الله تعالى nous enseigne que le Coran est une guérison. Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran qu'il est un remède. Il nous dit sur la traduction des sens de ces versets dans Surat Fussilat 44 et l'Isra 82: si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit: pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi, un Coran non arabe et un messager arabe? Dit pour ceux qui croient, il est un guide et une guérison. Il est un guide et une guérison. Le Coran est une guérison. Dans l'autre verset, la traduction: ce que nous révélons du Coran est une guérison et une miséricorde. Donc tout le Coran tout entier, est une guérison. Non pas seulement une partie. Tout comme on le constate dans les versets précédents. Ainsi, le Coran guérit le cœur des maladies que sont l'ignorance, le doute, l'incertitude. Aucun des remèdes qu'Allah a fait descendre du ciel n'est plus complet, plus bénéfique, plus important et plus efficace dans la lutte de la maladie ou dans la lutte contre la maladie que le Coran. Il est également rapporté dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire le Bukhari et le Muslim, selon Abu Sa'id radiallahu anhu, un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage firent halte dans un village. Ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants, mais ces derniers refusèrent. Au même moment, le chef du village fut piqué par un scorpion. Les villageois usèrent de tous les moyens pour le soigner, sans que rien ne réussisse à apaiser feu de la morsure. L'un d'eux proposa: et si vous vous adressiez, à ces voyageurs, peut-être ont-ils quelques remèdes. Ils se rendirent donc auprès du groupe de compagnons et leur dirent: notre chef a été piqué par un scorpion. Nous avons usé de tous les moyens pour le soigner, mais rien n'y fait. Auriez-vous quelques remèdes? Un des compagnons répondit: oui, je pratique la ruqya. Mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous ne l'avez refusé. Je ne ferai donc rien tant que vous ne nous accorderez pas ou tant qu'on ne s'entendra pas sur une donation en cas de guérison. Ils se mirent alors d'accord pour un salaire de quelques moutons en cas de rétablissement. Le compagnon se rendit auprès du chef du village et récita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, tout en crachotant sur la blessure. Il lui a fait ruqya. La maladie fut alors rétablie immédiatement. Et il se leva et marcha comme si rien n'était. Les villageois remirent alors les moutons qu'ils avaient promis aux compagnons. L'un d'eux dit: partageons. Mais celui qui avait pratiqué la ruqya répliqua: nous ne ferons rien avant d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui faire part de ce qui est arrivé et de voir ce qu'il nous enjoint. À leur retour, ils se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui racontèrent l'événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons en question: comment as-tu su que la Fatiha pouvait faire office de ruqya? Il lui dit ensuite: vous avez bien fait, partagez votre bien et n'oubliez pas ma part, et accordez-moi une part. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن وهو أسهل دواء وأيسر ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء لا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit: ce remède a donc agi sur le mal en question au point de le faire disparaître complètement. La Fatiha est pourtant le traitement le plus aisé à pratiquer. Si l'être humain traitait correctement les maladies à l'aide de Al-Fatiha, il constaterait son étonnante efficacité dans la guérison. D'ailleurs, je me souviens être tombé gravement malade à la Mecque. Il n'y avait ni médecin ni médicaments. j'ai pris donc le parti de me soigner à l'aide de Al-Fatiha et j'obtins d'étonnants résultats. J'indiquais ensuite ce traitement à toutes les personnes qui se plaignaient de maux divers. Et beaucoup d'entre eux guérissaient, ou beaucoup d'entre elles guérissaient rapidement. Beaucoup d'entre elles guérissaient rapidement. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous montre qu'un des plus grands remèdes, le plus grand remède, est le Qur'an al-Azim. Il est profitable contre toute maladie et tout mal, que ce soit les maladies du corps, du cœur ou de l'âme. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala cite l'épreuve de cela, puis cite son expérience personnelle pour illustrer cela, non pas pour preuve, non pas pour preuve. Et la voix d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ici est une des meilleures voix dans le domaine de la ruqya. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à la personne comment se faire ruqya à elle-même. Non, afin qu'elle ne s'attache pas à sa personne, non, mais uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala en revenant vers lui et recherchant la guérison auprès de lui. Même si c'est permis de demander ruqya et de prendre cela pour cause, mais l'excellence est de ne pas demander ruqya et de compter pleinement sur Allah azza wa jalla. La personne est tellement préoccupée par le fait de se diriger et chercher l'aide chez Allah qu'elle ne demande à personne ruqya. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala emprunte cette voie et nous oriente à nous faire ruqya nous-mêmes. Et souvent, on reçoit des personnes éprouvées qui viennent demander un ruqya. Et la bonne voie à suivre est de les orienter eux-mêmes à se faire ruqya. Et il dit, mais je ne sais pas. Alors, on lui enseigne. Il dit, je ne me reste pas beaucoup de Qur'an. On lui dit que la meilleure ruqya, c'est le Fatiha. La meilleure ruqya, c'est Ayatul Kursi. La meilleure ruqya, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbil nas. Ce que nous mémorisons tous, ainsi que nos enfants. Mais il faut orienter les gens et leur montrer comment faire, tout simplement réciter en comptant pleinement sur Allah et en recherchant la guérison près de lui et poussillonner sur sa personne. Et un des pieux prédécesseurs a visité un malade. Ce malade lui a dit, fais dua pour moi. Le savant lui a dit, fais dua pour toi-même. Naam. Car tu es muttar. Et Allah dit en Coran, amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su. Car toi, tu es dans un cas de grande difficulté, dans une affliction. Et Allah nous enseigne dans le Coran que celui qui est dans une grande affliction, Allah lui l'exauce. Donc la dua de celui qui a le problème pour lui-même est meilleure que la dua d'autrui pour sa personne. Non. Et cela ne nous empêche pas, nous, par la suite, de faire dua pour lui, mais on l'oriente vers ce chemin-là. Ensuite, en privé, on invoquera en sa faveur, bien sûr, ainsi que pour l'ensemble des malades ou des gens dans le besoin. Et lorsque tu fais ruqya, tu ne dois pas tester la chose. Tu dois avoir la certitude dans la promesse d'Allah. Tu dois avoir la certitude que c'est une guérison et que c'est profitable dans tous les cas. Mais comme va l'expliquer Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il faut que l'endroit dans lequel sera déposée la guérison, sur laquelle sera déposée la guérison, soit apte à le recevoir. Soit apte à le recevoir. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات أو الأدوية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة وهمة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء أي ينفع ويظهر التأثير كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فاعلة وهمة مؤثرة في إزالة الداء Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala attire notre attention sur un point important en disant cependant il y a une chose qu'il convient de préciser à savoir que les formules de rappel les versets du Coran et les invocations dont on fait usage dans un but de traitement et de guérison présentent intrinsèquement des vertus curatives sans aucun doute il y a ça un remède c'est avéré dans le Coran. On n'a pas le droit de tout désister. Mais Ibn Qayyim me dit cependant pour que le traitement soit efficace, la personne traitée doit être préparée à le recevoir. Et le soignant doit être animé d'une haute ambition permettant au traitement en question de développer pleinement son efficacité. Ainsi, si la guérison tarde à venir, c'est en raison de la faible ambition du soignant, ou parce que le patient n'y était pas préparé, ou bien en raison d'un fort obstacle empêchant le traitement de faire son effet. C'est d'ailleurs le cas des médicaments destinés aux malades somatiques. S'ils ne font pas leur effet, c'est soit parce que le corps du patient n'accepte pas ce traitement, soit parce qu'un fort obstacle fait barrage à son efficacité. Si le corps humain s'adapte au traitement, le rétablissement sera proportionnel à cette adaptation. Il en va de même pour le cœur. S'il accepte pleinement la ruqya et les formules incantatoires, et si le raqi est doté d'une âme ambitieuse et d'une volonté influente, tout cela aura un effet positif sur la lutte contre le mal traité. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre une chose importante. C'est que la ruqya, dans tous les cas, elle est profitable, elle est efficace. Mais celui sur lequel on fait ruqya, ou bien celui qui récite et qui fait ruqya, le problème peut venir de l'un des deux. Une chose sur l'un des deux peut empêcher le résultat escompté d'être obtenu. Donc certaines personnes disent, j'ai récité, mais j'ai pas vu la guérison, j'ai pas obtenu la guérison. Le problème vient pas du Coran, il ne vient pas de la ruqya. Le problème, il vient de la personne sur qui on récite ou de celui qui récite. Peut-être qu'il y a un défaut sur eux, qui empêche l'efficacité et qui empêche de faire apparaître les résultats escomptés. Donc ça, c'est très important. Il nous faut le comprendre. Et c'est pareil pour les adhkars. La personne dit, avant de dormir, je reste adhkars, et pourtant je fais des cauchemars. La personne dit, je récite telle invocation, pourtant j'ai quand même tel problème. Alors que dans le hadith, alors que dans le verset. Non, le problème ne vient ni du hadith, ni du verset. Le problème vient de la personne. Soit la personne n'a pas le cœur présent lors de la dua, soit la personne a des péchés qui entourent son cœur, qui empêchent d'avoir le cœur présent lors de la dua. Soit la personne mange des choses muharrama qui fait que l'invocation n'est pas passée et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, on doit réviser nos personnes si la réponse fait défaut. On doit réviser nos personnes. Le troisième point est du'a ou yadfa'ul makrouh. Wa kadhalika ad-du'a. فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن كون الدعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخوة جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام. والريب الغطاء الذنوب على القلب والاستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يسير بن القيم رحمه الله تعالى nous dit que ce que nous venons de citer pour les médicaments, c'est pareil, yani les médicaments en relation avec le corps, c'est pareil pour la ruqya, les invocations et la personne. Elles sont d'une efficacité sans pareil quand il s'agit d'empêcher un mal de se produire ou de faire en sorte qu'un bien se réalise. Néanmoins, peuvent ne pas se réaliser, soit en raison d'une faiblesse, du fait que la personne fait du'a, elle demande ce qu'Allah n'aime pas, ou elle transgresse les limites. Naam, elle invoque en des choses qui sont interdites, et dans ce cas qui déplaît Allah Azza wa Jal. Ou bien au moment de faire du'a, elle n'était pas concentrée, son cœur était absent. Il n'est pas vraiment déterminé ni orienté vers Allah Azza wa Jal. Ce genre de du'a est comparable à un arc dont la corde serait détendue. Elle n'est pas serrée, elle n'est pas tendue, elle est détendue. Si tu mets la flèche et tu veux viser de cette flèche en utilisant un arc dont la corde est détendue, forcément il n'y aura pas de puissance. Il n'y aura pas de rapidité, de vitesse, et ça n'atteindra pas la cible. Pourquoi ? En raison de la faiblesse du tir. Aussi, il se peut qu'il y ait un voile sur le cœur de la personne. Il se peut que la personne, de par ses péchés, son invocation ne passe pas, ou de par l'injustice, naam, et les péchés cumulés, ou bien la distraction et l'insouciance de cette personne. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous exaucera, et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation émanant d'un cœur distrait, inattentif. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que, déjà dans le Coran, dans le sunnah, c'est venu explicitement: Ad-du'a anfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Ad-du'a, c'est profitable pour ce qui est venu, c'est-à-dire le mal qui est présent, c'est profitable pour qu'Allah te l'enlève, et d'un mal qui n'est pas encore descendu, c'est-à-dire pour qu'il le repousse et ne tombe pas sur ta personne. Dans le Coran également, dans surat al-Isra, Allah Azza wa Jal nous montre que les fausses divinités n'ont pas le pouvoir de repousser un mal présent ni d'éviter un mal à venir. Lorsqu'il nous dit tabaraka wa ta'ala: قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا وَلَا تَحْوِيلًا. Ni ces fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, invoquées en dehors de lui, n'ont la capacité d'empêcher le mal de t'atteindre, ni de le retirer de ta personne une fois qu'il t'a atteint. Quant à Allah Azza wa Jal, lui, c'est le seul capable de faire cela. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, il nous parle de l'invocation de celui qui est distrait, l'invocation de celui qui est inattentif. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَهُ فَهَذَا دَوَاءٌ نَافِعٌ مُزِيلٌ لِلدَّاءِ وَلَكِنْ غَفْلَةُ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ تُبْطِلُ قُوَّتَهُ وَكَذَلِكَ أَكْلُ الْحَرَامِ يُبْطِلُ قُوَّتَهُ وَيُضْعِفُهَا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله مر المؤمنين بما مر بالمرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذاك الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يد إلى السماء يا رب يا رب ومطعموا حرم ألبسوا حرم وغذي بالحرم فأنا استجاب لذلك رواه مسلم. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. L'invocation est donc un traitement bénéfique censé faire disparaître le mal en question. Mais la distraction du cœur, l'insouciance, empêche son efficacité, la fait disparaître. Consommer des biens illicites également, la force des invocations, consommer des biens illicites anéantit également la force des invocations et la fait. Abu Hurayrah radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Il a intimé aux croyants le même ordre que celui intimé au prophète. Il a ainsi dit: ô messager, mangez de ce qui est permis et faites le bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna ensuite le cas d'un homme engagé dans un long voyage, les cheveux hirsutes, le corps poussiéreux, les mains levées au ciel, invoquant Allah en ces termes: ô Seigneur, ô Seigneur. Cependant, son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Il ne se nourrit que de biens illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, rahimahumallah, rapporte dans le livre Zuhd d'après son père: une calamité toucha les enfants d'Israël. Ils se rendirent dans le désert pour prier Allah. Allah enjoignit alors leur prophète d'informer son peuple de la chose suivante: vous vous rendez dans les déserts alors que vos corps sont impurs. Ces mains que vous levez vers moi pour m'invoquer ont injustement fait couler le sang et vous avez rempli vos demeures de biens illicites. Et maintenant que vous m'implorez, est-ce maintenant que vous m'implorez? Vous m'implorez alors que ma colère contre vous atteint son paroxysme, ou plutôt, on traduira, alors que ma colère contre vous est forte. Ishtadda, quant au fait de dire son paroxysme, yani son point culminant, hadha fihi nazar, ça se discute grandement. Or vos supplications ne feront que vous éloigner de moi. Ce texte n'est pas authentique. Abu Dhar a dit: suffit d'invocation dans la bonté ce que suffit comme sel dans le plat. Yani la personne qui est pieuse, lorsqu'elle fait dua, c'est très proche d'être exaucée. C'est très proche d'exaucer. Tout comme dans le plat, un peu de sel suffit pour qu'il y ait un bon goût. Mais pour la personne qui est éloignée d'Allah Azza wa Jal, elle devra faire beaucoup plus de choses pour se rapprocher de lui. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous montre que Ad-Dua est le meilleur remède. Ad-Dua est le meilleur remède. Retenez la succession des chapitres et des points cités par l'auteur, cela nous sera bénéfique. Et le charh de Cheikh Abdelrazzaq Al-Badr, un grand savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa ville, qui l'enseigne actuellement presque tous les jours de la semaine, et vous pouvez suivre les cours en direct à 18h heure française via son site et d'autres liens. Et c'est de là que je m'abreuve et je vous transmets. Le shirk, Hafidhahullah Ta'ala, a donné des conseils et des recommandations pour tirer pleinement profit de ceux. Il a conseillé tous ceux qui ont des moyens d'acheter le livre, à tous ceux qui ont encore plus de moyens d'offrir le livre, ou d'envoyer le lien pour pouvoir télécharger ce livre. Il a conseillé à ceux qui avaient la force de traduire dans leur langue, si le livre n'était pas traduit dans leur langue, de le traduire, afin de propager partout ce livre dans le monde, de par son grand bénéfice, de par sa grande utilité et de par la grande science contenue dans ce livre. Aussi, il a recommandé aux élèves de noter les plus belles informations profitables, les fawaïd, et de les propager. De noter les informations les plus profitables et de les propager. De les noter, de les méditer et de les envoyer. Afin que le bien se répande. Afin que le bien se répande. Et remarquez que les gens du mal et de l'égarement dépensent énormément pour obstruer le chemin de la vérité. Pour propager le haram. Alors à plus forte raison, les gens de la vérité se doivent de s'entraider dans la propagation du bien, dans la propagation du remède après que le mal fut descendu. Wallahu al-musta'an. Donc on recommande également à nos frères et sœurs de faire ce noble travail, de prendre un cahier et de noter l'avancée. Par exemple, le Coran est la meilleure guérison. Ad-du'a est la meilleure guérison. Le Coran est une guérison, en plus des maladies du corps, mais aussi du cœur, de l'âme, et ainsi de suite. Tu résumes. Na'am. Et tu notes les fawaïd les plus importantes. Tu les notes. Puis, tu les écris. Après correction, tu les propages dans ton entourage. Tu les propages dans ton entourage et tu invites les gens à venir lire avec nous, à venir profiter avec nous, et tu propages ce bien. Wad-dalu ila al-khayr kafa'ili. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui qui montre le chemin est semblable à celui qui l'a fait, qui aura fait la bonne action. Donc tu auras les récompenses de toutes ces gens, ces personnes-là, par la suite. Wabillahi at-tawfiq. Il a cité beaucoup d'autres choses, on se les rappellera au fur et à mesure des cours, insha'Allah ta'ala. وَالدُّعَاءُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ وَهُوَ عَدُوٌ لِلْبَلَاءِ أو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit, l'invocation est le remède le plus profitable et c'est l'ennemi du mal, de la maladie, du problème qui te touche. Il le repousse, il le guérit, ou il l'empêche même de descendre, ou après qu'il soit descendu, il le repousse, ou diminue ses conséquences et ses incidences après qu'il ne soit descendu. Et c'est en réalité l'arme du croyant. Et c'est en réalité du'a, c'est en réalité l'arme du croyant. كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. Ce hadith n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani là nous informe qu'il est ضعيف. Donc l'invocation est un remède des plus bénéfiques. Il est l'ennemi du mal. Elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'amenuise. Elle est l'arme du croyant. Ali ibn Abi Talib rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala va nous montrer que lorsqu'il y a un problème, une maladie, et que la personne fait dua, le combat entre sa dua et le mal aura pour finalité une de ces trois choses. Quand tu es dans un problème et tu fais dua, na'am, ça se passera d'une de ces trois façons. Soit être dua sera plus fort que la maladie, elle va la battre. Soit c'est le contraire, soit il y aura ex aequo où l'un des deux prendra un peu plus le dessus. Soit l'un des deux va prendre un peu plus le dessus. Il nous dit, ولهما على البلاء ثلاثة مقامات. Par exemple, ça c'est une faïda qu'on peut noter et propager. Ça, c'est une faïda qu'on peut noter et propager. Ahaduha ayyakuna aqwa min al-bala fa yadfa'u. Le premier cas, si l'invocation est plus forte que le mal, elle le repousse. الثاني يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخفف وإن كان ضعيفا. Deuxièmement, si elle est plus faible que le mal, celui-ci domine et atteint le serviteur. Mais l'invocation peut l'atténuer. L'invocation peut atténuer le mal qui l'a touché, même si elle est faible. Est-ce que c'est compris? Le premier cas, la dua est plus forte, ça repousse le mal. Le deuxième cas, le mal est plus fort que cette invocation. Alors le mal reste, mais il peut diminuer suite à l'invocation. Le troisième cas, c'est lorsqu'ils font exéco. Ils sont de force égale et s'empêchent l'un l'autre. Et s'empêche l'un l'autre. وقد روى الحاكم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلي جاني إلى يوم القيامة. Ce hadith là comporte une faiblesse et certaines parties ont des shawahid, ont des témoins qui nous montrent qu'ils ont une base et sont donc retenus. Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la précaution n'empêche pas la prédestination. Ça, ce n'est pas authentique, mais le sens est vrai. L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Le mal peut descendre, voir l'invocation venir à sa rencontre, et qu'il s'entrechoque jusqu'au jour de la résurrection. Donc il y a une faiblesse dans ce hadith. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit: وفي أيضا من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Alors invoquez, serviteur d'Allah. Ce hadith est bon. Thawban radiallahu anhu fi ayza min hadith Thawban an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fi al-'amal illa al-birr wa inna ar-rajula la yahramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. خرجه الحاكم و الإمام الحاكم رحمه الله تعالى rapporte ce hadith et il est bon comme l'a dit Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى. ثوبان رحمه الله رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: rien ne repousse la prédestination si ce n'est l'invocation. Rien ne repousse le qada si ce n'est ad-du'a. Et rien ne prolonge l'existence si ce n'est la bonté, la bienfaisance. Et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. On peut être privé d'une richesse en raison d'un péché qu'on commet. Quelle est l'explication de ce hadith qu'on entend souvent? Ce hadith fait partie des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'en est son explication? Pour mieux comprendre cela, il te faudra savoir que ad-du'a fait partie du qadar. On te dit la yaruddu al-qadar illa ad-du'a. Et rien ne repousse le destin ou la prédestination si ce n'est ad-du'a. D'accord? Notez que ad-du'a fait partie du qadar. Une fois cela compris, le sens est plus simple à comprendre. C'est que Allah Azza wa Jal décrète sur toi telle épreuve, Ensuite, tu fais dua. Par cette dua, Allah repousse de toi cette épreuve. Cette dua, elle a été décrétée par qui? Hein? Par Allah Azza wa Jal. Donc cette dua, elle fait partie de quoi? Du qadar. Donc rien ne repousse le qadar, si ce n'est le qadar. Rien ne repousse ce qu'Allah Azza wa Jal veut, si ce n'est ce qu'il veut lui-même. Est-ce que c'est compris? Et rien ne peut faire changer les choses si c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc Allah tabaraka wa ta'ala décrète une chose et décrète que toi tu vas faire dua. Et tout cela fait partie du qadar. Voici le sens de l'ayaruddul qadar illa dua. Allah azza wa jal décrète cette épreuve-là, mais il décrète aussi que tu vas faire dua. Ainsi, ça va repousser ce qui avait été décrété par Allah Azza wa Jal. Et le tout fait partie du destin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. La mani'a lima a'ta. Wa la mu'tiya lima mana'a. Personne ne peut empêcher ce qu'Allah Azza wa Jal donne. Et personne ne peut repousser ce qu'il décide. Personne ne peut repousser ce qu'il accorde. Donc Allah Azza wa Jal qaddara as-sabab wal musabbab. Ici, il y a un grand encouragement à une chose, c'est quoi? Ad-du'a. On te montre que même la chose qui a été décrétée comme mal pour toi, avec ad-du'a, Allah Azza wa Jal le repousse. Avec ad-du'a, Allah Azza wa Jal le repousse, quelle que soit la chose, quelle que soit sa difficulté et sa gravité. Ensuite, l'auteur nous cite un point supérieur à dua, au simple fait de faire dua. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-ilhah fi dua, la répétition et la supplication. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla et tu répètes et tu insistes et tu es constant dans ta demande. Ça, c'est une cause de se voir accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min anfa'il adwiya al-ilhah fi dua. Est-ce que l'auteur ici se répète? Non, il y a une science supplémentaire. Le chapitre d'avant nous disait que ad-du'a, les simples invocations, sont un remède. Ici, il nous dit al-ilha, c'est-à-dire du'a, mais avec cette particularité. C'est-à-dire un du'a qui est fort, un du'a qui est armé, un du'a qui est concentré de bien et de baraka. Un dua qui est plus proche d'être exaucé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilha'u fi dua. Wa qad rawa ibn Majah fi sunanihi min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man lam yas'al Allah yaghdab alayhi. Wa fi sahih al-Hakim min hadith Anas radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la ta'jazu fi dua fa innahu la yahliku ma'a ad-du'a ahad. لا يهلك مع الدعاء أحد وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وفي كتاب الزهدي للإمام أحمد عن قتادة قال مورق رحمه الله ما وجدت للمؤمنين مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه أو أن ينجيه. L'auteur rahimahullah ta'ala attire notre attention sur une des grandes causes d'acceptation de dua, qui est et répéter sa demande, supplier Allah Azza wa Jal, répéter, rester constant. Tu lui demandes hier, tu lui redemandes aujourd'hui. Tu lui as demandé aujourd'hui, tu redemandes ce soir. Tu as demandé ce soir, tu demandes à la fin de la nuit. Puis tu demandes le matin, puis tu ne te lasses pas de cette adoration. Ça c'est l'ilha fi dua. Ne dis pas j'ai demandé, ça n'est pas venu. Non, demande. T'es dans le bien, t'es dans l'adoration, t'es dans l'élévation, t'es dans les hasanat, t'es dans l'agrément d'Allah, t'es dans ce qu'Allah aime. T'es dans ce qu'Allah aime. Fastakthir min al-khayr. Na'am, ajoute autant que possible de ce bien-là. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit l'insistance dans la vocation compte parmi les meilleurs remèdes Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui. Allahu Akbar. Celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. Ici on voit quoi? Allah Azza wa Jal aime ad-du'a et aime ceux qui font du'a. Un point tel que ceux qui ne lui demandent pas, il se met en colère contre lui. Donc ici il y a un encouragement à beaucoup faire ad-du'a. Il y a un encouragement à beaucoup faire ad-du'a. Tu sais que le Seigneur des mondes, ton Créateur, celui que tu aimes par-dessus tout, tabaraka wa ta'ala, il aime une chose. Et tu sais que cette chose vient de toi. Comment est-ce que tu vas te comporter? Si la personne, walillahi mathalul a'la, a connaissance que sa chair mère aime une chose, wallahi, yawmiyan ya'ti biha, chaque jour il vient avec. Même s'il doit faire un deuxième travail pour avoir les moyens de lui apporter cette chose, il se met au service de sa mère, lillahi azza wa jal, parce qu'il sait que ça c'est l'islam. Et ça c'est ridha Rabb, c'est l'agrément d'Allah. Et il sait que ça c'est la chose qu'Allah aime après la prière en son temps. Birrul walidayn. Na'am. Alors il apporte cette chose à sa mère chaque jour, parce qu'il sait qu'elle l'aime. Il cherche l'agrément d'Allah azza wa jal à travers le cycle. Sahih. Mais là, c'est pas un besoin d'une créature. Là, c'est une chose aimée chez Rabbul Alam. C'est une chose aimée chez celui qui t'a créé, celui vers lequel tu vas revenir, qui va te juger. Quelle est cette chose? Est-ce qu'elle nécessite de porter des charges lourdes? De dépenser des choses bien aimées au nafs? D'accomplir une longue distance? De voyager, de quitter sa famille? Non. Ad-du'a. Tu fais du'a, t'es assis, tu fais du'a, t'es allongé, tu peux faire du'a, tu marches, tu peux faire du'a. Non, tu es chez toi, tu peux faire du'a, tu es au masjid, tu peux faire du'a, en sujoud, tu fais du'a. Voilà. Ça, c'est la chose qu'Allah Azza wa Jal aime beaucoup. Et à l'inverse, si tu délaisses cette du'a, Allah Azza wa Jal se courrouce. Allah Azza wa Jal se met en colère. Subhanahu wa ta'ala. فَمِنْ صِفَةِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ الْغَضَبُ. Parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghadab. Et ça, c'est un attribut qui doit nous faire peur de désobéir Allah Azza wa Jal, qui doit nous faire peur de nous éloigner de cette adoration qui est Ad-Du'a. Donc Allah Azza wa Jal aime ceux qui s'humilient devant lui, aime ceux qui lui demandent, aime ceux qui répètent leurs demandes, car ils savent que cette demande et ce besoin se trouvent chez Allah. Ils savent qu'ils ont un Seigneur tout puissant, riche, généreux. Ils savent que seul Allah mérite le dua. Tous ces sens-là, Allah les aime. Allah aime te voir humilié, lui demander, savoir que personne ne peut t'accorder ça, c'est celui. Allah aime voir ce cœur pur de par tawhid, ce cœur pur de se diriger vers notre Allah tabaraka wa ta'ala, ce cœur pur dans la connaissance de savoir, dans la conviction, dans la croyance, que ce qu'Allah veut, il le donne, et ce qu'il ne veut pas, personne ne pourra me le donner. Ces sens-là, s'ils se lèvent dans le cœur, ça c'est le cœur pur. Ça c'est le cœur qu'Allah Azza wa Jal aime et qu'Allah Azza wa Jal rétribue avec largesse. Donc on voit ici que de répéter sa demande, de s'humilier devant Allah est une cause pour qu'Allah nous donne. Et que Allah Azza wa Jal aime le dua. Et le poète a dit: Wallahu yaghdabu in tarakta su'lahu wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdabu. Naam. Allah se met en colère lorsque le fils de Adam délaisse sa demande. Quand le fils de Adam ne demande pas Allah, Allah se met en colère. Et le fils de Adam, lui, c'est lorsqu'on lui demande qu'il se met en colère. Ibn Adam, tu lui demandes une fois, il se met en colère. Allahu Akbar. Ou tu lui demandes une fois, il donne avec plaisir, car il pense que tu ne vas jamais plus lui redemander. Et si tu lui reviens à nouveau, il se met en colère, il n'aime pas ta rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, plus tu frappes à sa porte, plus tu lui demandes, plus il aime. Et il donne. Avant que tu aies demandé, il t'a donné. Tu demandes, il te donne encore. Et après ta demande, il te donnera encore. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il donne, subhanahu wa ta'ala. Il soigne ton malade. Il guide les gars. Il guide les gars. Il te donne un enfant. Il te donne la richesse. Il te soigne. Il t'enlève une tristesse. Il te remplace par une joie. Chaque jour, Allah Azza wa Jal te donne, il t'accorde. Naam. Et plus tu lui demandes, plus il aime. Et il donne avec largesse. Et tout ce qu'il a donné, depuis la création des cieux et de la terre, jusqu'aujourd'hui, cela n'a rien diminué de son royaume, tabaraka wa ta'ala. Comme on le verra dans un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc Allah Azza wa Jal aime que tu fasses montrer ton besoin. Aime que tu t'humilies devant le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Et cela ne doit être que pour Allah Azza wa Jal. Huwa al-hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. C'est le vivant. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté lui. Adorez-le donc ou invoquez-le donc d'un culte sincère. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, on va pas tarder à s'arrêter pour ne pas être trop lourd. Non, ma traduction. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faiblissez pas dans l'invocation car personne ne périt en invoquant. Ce hadith est faible. Al-Awza'i rapporte d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aisha radiallahu anha que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime ceux qui insistent dans l'invocation. Ce hadith est faible. Mais ce qui est retenu, c'est que Al-Awza'i lui-même, Imam Ahl-Sham, lui-même a dit cette parole. Naam, c'est pas un hadith, mais l'Imam Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, lui-même a dit: la meilleure des invocations consiste à insister et implorer Allah. À insister et à implorer Allah, donc Al-Ilhah. Dans le livre Az-Zuhd, l'imam Ahmed rapporte d'après Qatada que Mouwarriq, rahimahullah, a dit: je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme au bout de bois, sur un bout de bois au milieu des flots qui invoquent Seigneur, Seigneur, afin qu'il le sauve. Un homme dans la mer, il n'a pour bouée qu'un bout de bois, il s'y tient. Et Cheikh Abdel Razak, Abdelallah Ta'ala, dit: on peut aussi imaginer qu'il ne s'est pas bien lâché. Il est dans la mer, il est accroché à un bout de bois, il n'a pour bouée que cela. Et il invoque Allah: ô mon Seigneur, ô mon Seigneur. Il dit l'exemple du croyant, c'est celui-ci. Allah, tu es dans un problème, tu es dans dunya, et tu invoques Allah pour qu'il te sauve. Ta situation est telle, un homme dans la mer, qui n'a pour bouée qu'un bout de bois, il s'y accroche fermement et il met tous ses espoirs en Allah, il invoque Ya Rab, afin qu'il le sauve. Donc, nous, on doit chercher quel est le remède pour sortir de ces filtres. Le remède, c'est quoi? C'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec la lecture du Coran et sa méditation et chercher comment se soigner avec le Coran. Deuxièmement, ad-du'a. Deuxièmement, ad-du'a. Comme nous a enseigné ici l'auteur, rahimahullah ta'ala. Na'am. Voici ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité. Donc ce livre, ad-da'u wa ad-dawa, est un livre qui a une grande baraka. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de bien dans cet auteur, dans ses ouvrages, et particulièrement dans ce livre. Bon nombre de créatures d'Allah ont tiré profit de ce livre. À commencer par celui qui a posé la question très certainement. Combien de personnes, en ayant lu ce livre, en l'ayant médité, ont évité des péchés? Combien d'autres croulaient sous les péchés et l'humiliation des péchés? Et en lisant ce livre, ils se sont repentis. Ils ont délaissé le péché et sont devenus des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra combien Allah azza wa jalla accordé la réussite à cet auteur. Dans cet écrit, il y a de nombreuses guidées du fait que c'est pris du Coran et de la Sunna. Et on a aussi vu que la cause de cet ouvrage est une question posée par un homme qui a été éprouvé par des péchés. Il n'arrivait pas à s'en libéré, et tout en sachant, malgré qu'il savait qu'il causait sa perte et sa destruction, surtout s'il continuait dans cette voie. Et on voit aussi la grande baraka qu'il y a à fréquenter les gens de science et venir auprès d'eux. Le fait d'aller vers les gens de science, fréquenter les gens de science, poser nos questions aux gens de science, les ulama de Ahl Sunnah, il y a dans cela tout le bien. Il se peut qu'avec une réponse, une personne et toute sa descendance soient guidées. Il se peut qu'avec une réponse, un peuple entier sorte de l'égarement. Un peuple entier sorte de l'égarement. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous assister dans la lecture de ce livre et dans sa méditation et d'en tirer les fruits escompés. Inna huwa li dhalik wal qadir alayhi. Donc celui qui est touché par un péché, par un mal, il n'arrive pas à s'en sortir, il se rappelle, il se rapproche des gens de science. Il questionne les gens de science. Il ne reste pas dans son problème seul. Aussi on voit de cela l'endurance du savant. Le savant doit accorder du temps. La personne qui connaît doit accorder du temps à ceux qui les questionnent pour essayer de régler leurs problèmes. Et il doit être généreux. Par définition, le prêcheur est généreux. Le prêcheur donne de son temps, de sa santé. Il sacrifie du temps de sa famille pour la communauté. Donc ça, c'est un point très important. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, regardez tout le temps qu'il a donné, subhanallah, à la question de cet homme-là. À la question de cet homme-là, rahimahullah ta'ala. Aussi, on voit qu'il faut préparer la question. Vous avez vu comment est-ce qu'il a posé la question, le comportement qu'il a eu, le respect qu'il a eu, les du'as qu'il a prononcés, et les textes qu'il a utilisés, rahimahullahu ta'ala. Et les savants ont dit probablement que cet homme-là a une grande sincérité au moment de poser la question. Parce qu'Allah Azzawajal a mis beaucoup de baraka à travers sa question. Et lorsque le prêcheur, le savant, celui qui répond, met de la douceur, de la science et du tact, na'am, il y a des effets très bénéfiques pour faire sortir les gens de l'égarement et du mal. Et les savants ont grandement fait les éloges de ces livres. Que ce soit Ibn Baz, Ibn Uthaymin ou les anciens. Certains ont même dit que la cause de leur repentir a été la lecture de ce livre. Et Cheikh Abd al-Razzaq, Allahu ta'ala, a dit parmi les grands bienfaits d'Allah sur ma personne que très tôt j'ai connu ce livre étant jeune. Et si le jeune lit ce livre étant jeune, ça va le préserver. Inch'Allah, ça sera comme une citadelle, une protection, une forteresse. Ça le préservera de beaucoup de problèmes. Naam, c'est réellement la description de la maladie et du remède. Et très souvent, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, dans ses cours, faisait référence à ce livre. Très souvent, il faisait référence à ce livre et recommandait de lire ce livre. Ibn al-Wazir, rahimahullah ta'ala, lui-même, a fait les éloges à la fin de l'un de ses livres. Et il a orienté vers ce livre à la fin, en disant aux gens de revenir à ce livre-là. Et dans beaucoup de fatawa de l'Ejnat Da'ima, d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin et des grands savants, ils font référence à ce livre. Souvent, lorsqu'on les questionne, ils font référence à ce livre. Et ils disent que dans ce livre-là, il y a réellement le remède à beaucoup de maux pour celui qui veut sortir de ses problèmes. Pour celui qui veut sortir de ses problèmes, car c'est pris du Coran et de la Sunna. Et à notre époque, cette époque dans laquelle de nombreuses fitnes sont apparues, des fitnes qui n'étaient pas autant des anciens, on a encore plus besoin de ce genre de livres qui fendent les cœurs, font couler les larmes et poussent au repentir et au retour vers Allah Azza wa Jal. Fafirru ila Allah, wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عليم يا خبير. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وعملا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.